Nous allons maintenant commencer notre développement de la dissertation Qui fait l'histoire? Donc, première partie, l'histoire apparaît comme le résultat de la série des actions humaines. Alors, si l'histoire c'est la série des événements passés, eh bien, ça semble être d'abord, premier point, le résultat des prises d'initiative individuelles. Les événements, ce sont les faits qui sont arrivés jusqu'ici aux êtres humains. L'histoire étant avant tout l'histoire de l'humanité, excluant la série des phénomènes naturels, qui ne sont arrivés qu'en tant qu'ils influent sur les faits humains. Donc l'histoire, ce sont essentiellement les faits accomplis par les êtres humains. Un événement, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui fait date. C'est un moment qui se démarque dans une continuité. On identifie l'événement dans la mesure où il marque une rupture, une discontinuité. L'événement historique, c'est le produit de l'action humaine. En tant qu'agent libre, les êtres humains ne sont pas fatalement astreints d'obéir toujours au même modèle d'action, à la manière des animaux d'une même espèce qui vont agir en fonction de leur instinct, d'une certaine façon, un instinct qui se transmet de façon héréditaire. Bon, et on ne voit pas de civilisation de fourmis se transformant historiquement du fait des actions délibérées de leurs membres. D'une certaine manière, les membres de la colonie agissent selon un plan déterminé. Et ben, c'est pas le cas, d'une certaine façon, pour les êtres humains qui ont la capacité de rompre avec des modèles d'action qui se transmettent. Hein. C'est pas pour nier l'existence de modèles d'action, d'habitude. Mais les individus humains, ils ont une capacité de prise d'initiative leur permettant d'opérer des choix libres, non déterminés. Hein, c'est en ce sens que Hannah Arendt, dans la crise de la culture, pense la liberté humaine comme faculté de commencer des entreprises nouvelles, en rupture par rapport aux chaînes du passé, par rapport au processus déjà initié dans le passé et qui continue de s'exercer dans le présent. Et donc, cette liberté humaine, ça consiste à rompre avec ses chaînes, rompre avec ses processus et à mener à bien des entreprises nouvelles. Et l'histoire, si on la pense comme série des événements passés, des actions individuelles accomplies au cours du temps, eh bien, elle se constituera à travers ces entreprises. On pourrait prendre un exemple d'acte, d'événement qui fait date, hein. C'est l'acte historique de Martin Luther, le 31 octobre 1517, lorsqu'il placarda sur les murs de l'église de Wittenberg ses 95 thèses, dans lesquelles il dénonça les pratiques abusives de l'église catholique, en particulier la vente des indulgences, c'est-à-dire le fait que on pouvait, si on avait de l'argent, voilà, payer l'église pour pouvoir absoudre ses péchés d'une certaine façon et pouvoir s'acheter une place au paradis d'une certaine façon. Donc par cet acte, cette publication de ces 95 thèses, cette dénonciation de la corruption de l'Église, eh bien Luther rompit avec l'ordre social et religieux hérité du Moyen Âge. Hein, il instaura une rupture vis-à-vis d'un processus historique qui s'étalait sur des siècles, initiant donc ce qu'on a appelé la réforme protestante et changeant le cours de l'histoire, notamment enfin, en tout cas le cours de l'histoire de l'Europe. C'est vraiment une date de rupture. Donc c'est vraiment un acte. Ici on a un acte individuel qui rompt avec tout un processus historique, toute une dynamique, et on a le commencement d'une ère nouvelle, voilà, créée par un individu. Voilà. Ça, on pourrait dire que c'est une première façon de voir cette histoire comme résultat des actions humaines, l'histoire faite par l'homme, enfin en tout cas l'être humain à l'échelle de l'individu. Bon, cependant, on pourrait dire que c'est peut-être un petit peu court de voir uniquement l'histoire comme ça. Hein, parce que l'action individuelle, elle s'inscrit toujours dans un cadre collectif. Donc c'est pour ça qu'on arrive à un second point, cette idée que bon, si l'histoire c'est le résultat des actions humaines, bah, c'est peut-être non pas simplement l'action des individus, mais aussi l'action des collectifs. Si ce sont bien les actions humaines qui font l'histoire, ce sont peut-être moins celles des individus isolés que celles des collectifs, voire peut-être de l'humanité prise dans son ensemble. Et c'est d'ailleurs ce que fait remarquer Hannah Arendt, hein, qu'on citait déjà au premier point, mais dans un autre ouvrage qui est la condition de l'homme moderne, elle nous dit que, je cite, l'action n'est jamais possible dans l'isolement. Être isolé, c'est être privé de la faculté d'agir. L'action et la parole veulent être entourées de la présence d'autrui. Hein, c'est toujours, là je commente, c'est toujours avec nos semblables et en vue de construire avec eux un destin commun que nous agissons. L'action individuelle, elle se trouve toujours inscrite dans des mouvements collectifs qui la dépassent. Elle est circonscrite par un contexte qui lui confère ses enjeux et délimite ses possibilités. On ne peut pas faire n'importe quoi, on est toujours, on agit en fonction de contraintes, et ces contraintes, elles sont toujours définies à un moment donné, dans un contexte social donné. Pour prendre voilà, l'exemple de l'acte de Luther, eh bien, l'acte de Luther, il s'inscrit dans un vaste mouvement de contestation de l'Église, alors qui a notamment été entamé avant Luther par la révolte hussite. Hein. Jan Hus, c'était un prédicateur chrétien, mais tchèque. Donc ça se situait un petit peu dans la même ère culturelle que Luther, hein, celle de l'Europe centrale, donc, qui a eu lieu un siècle avant la publication des 95 thèses par Luther. Et puis cet acte de Luther, il s'inscrit également dans trois processus un petit peu conjugués qui dépassent sa seule personne. D'abord, il y a des tensions économiques, hein, des tensions socio-économiques, entre une Église qui, tout au long du Moyen-Âge, est devenue extrêmement riche, notamment la Haute Église. Et puis en face de cela, il y a un bas clergé qui lui reste proche du peuple. Et puis un petit peuple qui lui est écrasé par des taxes, par des impositions et qui est mécontent, ce qu'en témoigne notamment la guerre des paysans qui est menée par Thomas Münzer en Allemagne à la même époque que Luther, que d'ailleurs Luther condamnera et s'opposera à Münzer. Mais c'est dans ce contexte-là aussi qu'est faite la réforme, c'est celle d'une crise sociale. On a en même temps l'affirmation des consciences nationales. Bon, alors c'est vraiment le tout début, mais le tout début de constitution de ce qu'on va appeler plus tard les nations. Et ça se manifeste notamment dans l'acte de Luther par la revendication d'étudier la Bible en allemand et non plus en latin. Et donc on a une affirmation d'une indépendance des communautés par rapport à l'Église et à sa prétention à l'universalité. Et enfin, troisième processus, vous pourrez mentionner, c'est l'émergence de l'individualisme moderne, d'où l'exigence d'un rapport plus direct, plus solitaire du croyant avec Dieu, sans la médiation d'une institution sociale comme l'Église. Donc voilà, on voit que Luther, son acte individuel, il s'inscrit dans des dynamiques collectives. Hein, l'individu n'agit pas tout seul, l'individu agit en tant que membre de courants sociaux, de groupes sociaux. Hein. D'ailleurs, c'est en ce sens que Karl Marx et Friedrich Engels, dans le Manifeste du Parti communiste, ont pu déclarer que l'histoire était avant tout l'histoire de la lutte des classes. Hein. Les classes, ce sont des groupes sociaux, alors qu'ils sont principalement définis par des critères socio-économiques, par le rapport aux moyens de production. Donc ça, c'est comme ça qu'ils définissent les classes sociales, pour avoir d'autres types de groupes sociaux. Hein. Mais l'idée ici, c'est que les acteurs de l'histoire, ce ne sont pas tant les individus isolés que les groupes sociaux dont ces individus dépendent. L'individu agit en tant que membre d'un certain groupe social. Voilà, par exemple, les personnages comme Münzer ou Luther, ce sont des membres du clergé, non? Alors, mais ce ne sont pas des membres du haut clergé, ce sont plutôt du membre clergé moyen, voire bas clergé, et donc ils agissent en fonction de certaines contraintes qui sont propres au milieu social dont ils dépendent. Donc les valeurs et les intérêts en fonction desquels les individus agissent apparaissent en grande partie conditionnés par leurs appartenances sociales. Voilà, donc ça fait que l'individu, sa responsabilité, en tout cas sa liberté, elle apparaît en partie relativisée dès lors qu'on replace son action dans un contexte plus large, celui des groupes sociaux qui agissent dans l'histoire. Mais non, dans ce cas-là, c'est ce qui va nous amener un peu à notre transition, on peut se poser la question de savoir qu'est-ce que reste-t-il dès lors de l'action humaine dans ce cadre. Hein, dès lors que l'action humaine apparaît inscrite dans des dynamiques profondes, des dynamiques collectives, on peut se demander jusqu'à quel point les acteurs de l'histoire ont été vraiment les maîtres d'œuvre de l'histoire. Ne sont-ils pas finalement sans cesse contraints d'adopter des buts et des modèles d'action imposés par le contexte dans lequel ils vivent? Et il en va peut-être de même pour les grands hommes. Ce qu'on appelle les grands hommes, ce sont ces personnalités qui ont laissé une marque presque indélébile à travers l'histoire, de par leurs grandes actions qui ont changé le monde. On peut se dire, ben, même ceux-là, même ces grands hommes, eux aussi ont été, n'ont pas agi par un pur acte de liberté, eux aussi ont agi en fonction du contexte, en fonction de forces sociales qui s'imposaient à eux. Ça, c'est ce que souligne notamment Georg Hegel dans La raison dans l'histoire, lorsqu'il nous dit que, bien sûr, il nous dit, il y a eu l'importance dans l'histoire de grands personnages, par exemple César qui fait basculer la République romaine et prépare l'avènement de l'Empire romain, ou Napoléon qui conquiert l'Europe, diffusant les idéaux révolutionnaires. Mais ce que Hegel nous dit bien, c'est que ces hautes figures, elles ont été en quelque sorte les instruments de l'histoire. Alors, ils étaient animés par leur désir personnel, leur ambition démesurée, mais en fait, à travers leur désir personnel, ils ont réalisé un projet, un grand projet de l'histoire qui les dépassait et dont eux-mêmes n'avaient pas véritablement conscience. Donc ça, c'est ce que Hegel appelle la ruse de l'histoire. Voilà, en fait, l'histoire a utilisé ces individus pour réaliser son projet. Donc en ce sens, les hommes ne sont-ils pas eux-mêmes faits par l'histoire? Ça, c'est la question qu'on peut se poser, ce qui nous amènera à notre seconde partie.